simple, on vive la victoire. Quand je suis avec les autres, tu te vexes toi. Ah. Au début, tout est rose, tout est joli, joli. Avec moi, t'es trop poli, poli. On me dit que t'es traqué par la poli, police. Je trouve ça grave, mais quand je connais déjà. Strain de vie, tu donnes tout pour les mapper ça. Si tu tombes, je vais devoir assumer tes actes. Et je te demanderai, mais pourquoi t'as fait ça? C'est faux, je t'élimine. Mais avec moi, t'es mimi. Tu me lâches tes belles paroles et t'es, je t'aime après minuit. J'ai succombé. Jamais me décevoir, tu m'étais quand j'étais dans les noirs.